22-28, observation, verbe conjugué avec avoir ou être au temps composé. Être. Mireille est passée devant l'institut. Avoir et objet direct. Elle a passé 2 ans en Angleterre. Notez que les verbes non réfléchis utilisés avec un objet direct sont conjugués avec avoir. Les verbes non réfléchis conjugués avec être sont tous utilisés sans objet direct.